Il est 9h-3. Le 7-9 sur France Inter. Bonjour François Morel. Bonjour Patrick. Un formidable espoir est né à l'UMP le week-end dernier, le retour de Nicolas Sarkozy. Après une traversée du désert d'un peu plus de 2 ans, il nous est revenu. Et sincèrement, je ne sais pas si nous le méritons. Nous l'avons renvoyé comme un malpropre en mai 2012, et lui, qui aurait pu gagner encore plus d'argent en faisant des conférences dans des congrès internationaux, a préféré se dévouer pour le salut des Français, pourtant si ingrat, si peu reconnaissant. En 2017, s'il a réussi à mettre son parti au pas, à le moderniser, à lui donner un souffle inédit, à éponger les dettes, il pourrait très bien représenter la droite républicaine et incarner le renouveau du libéralisme. Car en France, est-ce l'influence des écologistes ? On ne jette pas, on recycle. Un président tout usé, fatigué, usagé par 5 années de mandat interminable, peut resservir, peut reprendre du service. On le badigeonne, on le décape, on le nettoie et il redevient comme neuf, tout nouveau, tout beau, tout rafraîchi. Ce qui pourrait conduire en 2022 François Hollande, après une période de réflexion, de recul, d'éloignement de la vie politique, à se représenter pour incarner un socialisme moderne et battre ainsi Nicolas Sarkozy, épuisé par sa seconde présidence. Dans cette perspective, 2027 serait une opportunité à saisir pour Nicolas Sarkozy, qui pourrait très bien, à 72 ans, apporter son expérience, sa sagesse, sa maturité, et mettre ainsi un terme au second mandat présidentiel calamiteux de François Hollande. François Hollande n'aurait alors aucun mal en mai 2032, à presque 78 ans, à débarquer avec un projet tout neuf et qui saurait rassembler la gauche. Je dis n'importe quoi, pourquoi pas le vote des étrangers aux élections municipales, ou rêvons un peu, décréter avec force et véhémence que la finance est son ennemi. Au bout de 5 années de déception, de renoncement, de reniement, il serait alors tout à fait naturel pour les Français de réélire Nicolas Sarkozy. 82 ans dans le fauteuil élyséen. Il pourrait alors promettre de revenir sur le mariage pour tous, ou sur l'avortement, ou sur la peine de mort, ou sur le vote des femmes. Enfin, de mettre en avant un sujet suffisamment fédérateur pour permettre à la droite française de se reconstituer. Après un échec cuisant en 2042, Nicolas Sarkozy laisserait la place à François Hollande, 88 ans. Dans la cour de l'Élysée, un ballet de déambulateur extrêmement solennel marquerait l'investiture du nouvel ancien président de la République, tandis que l'ancien nouveau président de la République repartirait au bras de son infirmière. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois, le code nucléaire. Non, non, toujours pareil, je vous l'ai inscrit sur un petit papier que j'ai mis sous votre pilulier. Au cas où l'un des deux, pour raison personnelle ou familiale, viendrait à être empêché à se présenter à la présidence de la République en 2047, dans ce futur si proche où l'on aura réussi à faire reculer les frontières de la mort, on pourrait appeler à la rescousse un homme de jugement, de réflexion, d'intelligence, pourquoi pas Valéry Giscard d'Estaing, 121 ans, ou même Jacques Chirac, freluqué de 115 ans, trop heureux, et on le comprend, de fuir Bernadette, toujours conseillère générale de la Corrèze, en reprenant du service. Certains commentateurs trouvent que les Français se désintéressent de plus en plus de la politique. On se demande pourquoi. C'était François Morel sur Inter.